Yeah. Gonna make me flip on you. Actually, you can't make me do nothing. I might decide to. Cette jeunesse tête baissée, regard noir qui traîne tout déchiré jusqu'à tard le soir. Cette jeunesse que vous méprisez, gaieté de Bertra et oubliée. Celle qui fait que je suis délita, faut pas l'oublier. Moi cette jeunesse je l'aime et je la représente. Celle qui parle de la rue, qui écoute du rap et qui plaisante. Celle qui parle vite et s'éparpille dans tous les sens à l'adolescence, mais surtout pendant les descentes. Cette jeunesse qui a pas peur d'aller de l'avant, qui taffe ou qui fait son bif sagement. Toi tu me dis que c'est des jeunes stupides qui crament les turbois. Moi l'avais même pas 8 mois et j'ai gardé mon sang-froid. En fait tu fais la guerre à ce que tu comprends pas. C'est de la discrimination mais ça tu l'entends pas. Ça suinte l'amorosité, l'envie de tout défoncer. Et en fait t'inquiète, ma jeunesse est survoltée. Un langage entre le manouche, l'italien et le rebeu. Un langage vers l'an universel pour niquer les bleus. Cette jeunesse qui en fait trop, trop, trop soudée. T'inquiète bien plus que vous l'imaginez. Mais ça c'est sans équivoque. Attention les miss lâche la city pour Vuitton. Et moi crois-moi j'ai pas de soucis ni en baggy ni en talons. Cette jeunesse qui rêve de faire l'amour mais qui baisse dans les caves. Cette jeunesse sans détour qu'on a rien à peinard. Si on se reconnaît c'est qu'on est mis à l'écart. Depuis Kouchen et Joe Star le monde de demain est aussi noir. Moi je veux redorer le blason de ceux que j'aime. Redorer leur image pour que les contacts soient plus zen. Arriver en BTS on me sort des wesh wesh. Pourtant je suis normal, je crois que c'est l'accent qui les gêne. T'imagines pas tous les efforts d'intégration, j'ai encaissé les préjugés à la con. La différence c'est que moi je m'en bats qui t'es et d'où tu viens. Au contraire je pensais que la différence créait des liens. T'es bourré de préjugés sur ce que t'appelles les Kaira. Moi j'appelle tout le monde, ouvre tes oreilles et lâche-moi.